بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم كتاب تعبير الجزء الثالث. Le livre de تعبير expression orale niveau 3. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Martiniki حفظه الله تعالى. الدرس التاسع 9e leçon. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في النص الذي يتعلق بفلسطين والمرة الآخرة قرأنا وأخذنا الكلمات الجديدة. الآن سأسألك عن الكلمة، ما معنى الإسراء؟ ما معنى فتح يفتح؟ ما معنى قرن؟ ما معنى شتات؟ مختصب؟ مختصب سي prendre avec force، يعني prier avec force. ما هو فعل؟ هذا اسم مفعول. راية؟ طابو. شبه جزيرة؟ برسكيل. الأحداث؟ سي الأحداث التاريخية. C'est les événements, historiques. Ou le jam, hadath. Hadath, jam. Hada jama. Bouldan. Contrée. Lakin là, dans le texte, ils ont voulu des pays. On ne veut pas voulu des contrées. Ils ont pris Bouldan, jam, balad. Jam, balad. Ils n'ont pas voulu. Ils ont voulu les pays, en soi, pas les contrées ou quoi. Peut-être que c'est Bilad qui serait les contrées, Ra'alam, et que Boulden serait les pays extérieurs. Parce que j'entends souvent, Chia, par exemple, il parle, où les gens disent Fil Beled et l'Yémeniya. C'est-à-dire, dans les contrées du Yémen, ils ne disent pas Fil Boulden et l'Yémeniya. Donc peut-être que, en fait, Bilad, ça serait plus l'intérieur et Boulden serait l'extérieur. Allah Alam. En tout cas, qu'il a ou même, on a Al-Hubub, Al-Hadrawat. Les légumes. Et le khizb. Ou le khizba. Fertilité. Le murtafa'at. Les hauteurs. Munkhafad. Le bas, les bas. Bassin, on avait dit. Le sahil. Sahil. Sahil. Ah, c'est le. Ah, sahil, c'est. C'est la côte. Non. Habba yahubbu. Souffler. Million, malouf. Ihtilal. C'est. Ihtilal, c'est. L'invasion. Pas l'invasion. Shib. Enfin, occupation. Occupation. Mouaskar. Un camp. Ladi. Réfugié. Yahdamada ala. Yahdamido. Se baser. Al-Yanabi'a. Mawal Moufrad. نعم. منتجات. خدوا الغيكول. المعادن. معادن. جميع دان. آه، سيلميتو. جزيرة. إل. طيب. الآن سندخل في تدريب الأول. يقول. طيب استعمل كلمتي ظل. ومنذ في إكمال الجمل التالية. أتود أن أقول لك ظل. منذ ظل في هذه الجملة بمعنى رستي دموري. قد يأتي بمعنى استمر كذلك. لا أعد معاني، لكن هنا المعنى هو معنى مثلا ظل فلان مسلما مثلا منذ أسلم. أنت اللي رست مسلم depuis qu'il s'est converti. فهمت؟ ومنذ مثلا ظرف زمان مبني على الضم كي veut dire depuis. لكن انتبه منذ يستعمل للزمان المعين. On l'emploie pour un temps connu. مثلا في الصحيح الذي هو فصيح يعلم كلمة منذ. Tu dis pas مثلا أنا أعيش في اليمن منذ زمان. Pour dire depuis longtemps. Tu vas dire من زمان. Ben منذ d'ailleurs, tu dis donc il y a un temps qui est connu. منذ شهر. منذ سنتين. منذ ثلاث أيام. منذ عشر سنوات. T'es obligé de mettre un temps défini. Pas un temps global comme ça. Un temps défini. Même s'il est long. Vous avez vu ? منذ, le temps qui vient derrière, c'est un temps défini. Pas un temps mubham. Vous avez vu ? Mais beaucoup de gens disent « Ala منذ زمان ». Elle est depuis longtemps. Ben en vrai, منذ, ça ne s'emploie pas comme ça. Tu vas dire « Ala من زمان ». Non, mais منذ, il faut que tu mettes derrière un temps défini. Un temps déterminé. Qu'il soit court ou long. Ah, court ou long. Un hamché, un temps défini. Non. Faqal, al-namouzaj, Philistine, belad arabiyun, islamiyun, arba'ata ashara, kornan. Ça, c'est trois mots. La phrase est, zallat Philistine, beladan arabiyan, islamiyan, mundhu, arba'ata ashara, kornan. Que la Palestine est restée un pays arabe islamique depuis 14 siècles. Regarde là, il a bien dit منذ 14 قرن. Il a défini un temps. Il n'a pas dit par exemple منذ قرون, depuis des siècles. Il a bien défini le nombre de siècles. فأنت عليك أن تعمل نفس الشيء مع الجمل الآتية. عندنا المعسكر مفتوحا الاحتلال. هذا المعسكر مفتوح منذ الاحتلال. مفتوحا منذ الاحتلال. نعم. Que le camp est resté ouvert depuis l'occupation. اللاجي غائبا 30 عاما. ظل اللاجي غائبا منذ 30 عاما. Que le réfugié est resté absent depuis 30 ans. الساحل هادي أسبوع. ظل الساحل ساحلي. ساحل. ظل الساحل هادي منذ أسبوع. ظل الساحل إيش؟ الهادي. الهادي لا ما معنى هادي؟ ما معنى هادي هنا؟ من الهدوء كلم دا كوت يستي كلم dans le sens يعني il n'y a pas eu de tempête, il n'y a pas eu de فهنا هو خبر ظل لأن الظل من كان وخواتها ظل. C'est un verbe parmi les sœurs de Kana. Elle a ism et elle a khabar. C'est pas un fa'il et un mafoul. Tu vas dire Sahilu, c'est ism dhalla. Wa hadi, ça va être khabar dhalla. Wa khabar dhalla, mansoub. Ah, c'est un verbe. Dhalla, hein? Oui, c'est un verbe. Kana wa khawati, hein? Mansoubat. Kana, laysa, asbaha, amsa. Ah, son hukm. Son amel. Ah. Donc, khabar. Dhalla, mansoub. Donc, tu dis, dhalla al-sahilu hadi'an. Mundhu usbu'in. Son amel, c'est... Oui, c'est kana. Elle a ism ou elle a khabar. Et ça, c'est pas un sujet, un sujet assez odé, comme ils disent. Donc la côte est restée calme depuis une semaine. Rabi'an, al-murtafa'atu hadara al-shita al-madi. Zallat al-murtafa'at al-khudra'a. La, la, la, la. Vas-y. Aïd. Zallat al-murtafa'at al-khudra'a. La. Murtafa'at khudra'a. منذ الشتاء الماضي. Que les hauteurs sont restées vertes depuis l'hiver dernier. الأرض خصبةً قرن. ظلت الأرض خصبةً منذ قرن. Que la terre est restée fertile depuis un siècle. Là, c'est pas resté comme. Genre de pas partir. Ça ne te dit pas cet azab là, azul. Hein? Non. Là, c'est resté, c'est-à-dire dans le sens de demeurer. Intact. Dans le sens de la continuation. Ah. D'accord? Attention. Comme Shimaïl, azul. Tu dis non, ça, tu dis abqa. C'est pas le même. Là, c'est resté dans le sens demeurer. Rester dans le sens demeurer dans le temps. Continuer. Al-Ibil waqifatan al-layl. Zallat al-Ibil waqifatan mundu layl. Non, que le chameau reste debout depuis cette nuit. Peut-être l'Ibil est Alam yanzuru ila al-Ibil kayfa khuliqat. L'Ibil, c'est un ism jins. Pour dire en fait l'espèce. Ou un troupeau, tu vois, un groupe. Tayeb. Al-Muntajat ma'roudatan as-sabah. La tensa, si y a un mot que tu connais pas, demande. Aya, fadal. Zallat al-Muntajat al-Ma'roudat ma'roudatan mundu as-sahab. La. Mundu. Mundu. Non, que les produits sont restés exposés depuis le matin. Faminan, arayat marfu'atan 14 qarnan. Zallat arayat arayatu marfu'atan mundu 14 qarnan. Que les drapeaux ou les bannières sont restés élevés depuis 14 siècles. El Watan Muqtasaban 40 ama. Zalla el Watan Muqtasaban mundu 40 ama. Que la nation, le Watan, c'est le pays, tu vois, mais c'est plus en science, dans le sens, c'est pas la terre, c'est la nation, la patrie. Vous voyez ? Dans le sens, nation, patrie. Quand on te dit le fikr al-watania, c'est l'esprit national. Hein, la patrie. Patriotique, ça hein. La patrie, pour dire le pays, en soi, donc le watan, que la nation est restée, on va dire, comment on dirait ça, violée, prise de force, quoi, en fait. Parce qu'elle ne s'est pas occupée. Occupée, c'est tel. Yani, depuis 14 ou depuis 40 ans. On pourrait dire conquis aussi. Tu vois. Un truc qui a été pris de force. Et je te précise, je suis parti juste revérifier pour le mot indigène. C'est bien comme je t'ai dit. Et en fait, ils disent que c'est, en fait, c'est un indigène, c'est celui qui vit dans le pays avant son occupation. C'est-à-dire vraiment, c'est les habitants. Asl-Beled. C'est-à-dire, par exemple, demain, un pays il a été colonisé ou quoi ou quoi. Les indigènes, c'est les gens qui habitaient dans ce pays-là avant qu'ils soient occupés. Donc, quand, par exemple, nous, on parlait de l'Amérique, les indigènes, c'est qui? C'est les Indiens. C'est pas les Américains qu'on voit actuellement là. Eux, c'est pas des indigènes. Les indigènes, c'est les Indiens, là-bas. C'est pas comme les pays, je sais pas, moi, par exemple, tu regardes le pays d'Asie, où le peuple s'en sait tel quel, il ne va pas changer. Les pays d'Afrique. Même un pays comme l'Algérie ou les pays d'Afrique du Nord, c'est des pays qui ont été envahis par les Arabes. Alors c'est avec des berbères, tout ça dedans. Enfin, les Arabes sont arrivés. D'ailleurs, tu en as jusqu'aujourd'hui, ils ne veulent pas se dire. Ils n'aiment pas ça. Tu vois ? Il y en a, par exemple, dans des pays, dans des endroits, on ne va pas citer pour ne pas dire Kaza, et ben, ils n'aiment pas les Arabes. Et ils sont contre l'islam. C'est où ils ont pris notre pays ? Ils nous ont pris nous. On leur dit Alhamdoulilah, ils sont venus. Ils ont apporté le Nour dans votre pays. Alors, ils disent je ne suis pas un Arabe, moi, je suis Kaza. Tu peux, chérie, il n'y a pas de mal à ce que tu revendiques tes origines. Mais comment tu le revendiques et pourquoi? C'est quoi ta fierté? Tu dis, moi je suis Kaza. Et pourquoi tu lèves le poing? Pourquoi tu. C'est quoi Kaza? T'es un musulman en premier? Il va dire, lève le poing pour l'islam. Ah bah ton origine. Et Shen Farouk. Le plus important, c'est sur quoi tu meurs. Pas d'où tu viens, tu vois. Mais maintenant, tu peux dire, je viens de là, tu as connaissance de ton pays, il n'y a pas de problème. mais il faut pas que tu t'en vantes. Et tu crois que tu es meilleur que les autres, parce que soi-disant, l'autre c'est un tel pays, l'autre c'est tel pays, l'autre c'est telle cité, l'autre c'est telle ville. Il n'y a pas, il n'y a pas. Comme on voit beaucoup aujourd'hui, les gars des quartiers, ce genre de choses. L'autre il vient, je sais pas, moi du 9-3, il croit qu'il est meilleur que celui qui vient du 7-2. Alors, c'est des chiffres, hein. Tu crois quoi? Comme tout le monde, si t'es pas sur le stick en main, il y a un 9-3 ou 7-2, ça n'a rien à t'apporter. Allah. Alors, c'est une fierté, je suis la cité foulaine. Moi j'ai le bloc 22, moi le bloc 24. Je suis alors c'est un bâtiment, c'est du béton. Demain il y a un zilzel, il y a un tremblement de terre, il s'écroule ton bâtiment. Qu'est-ce que tu vas faire? Estakim. Ma fille Naja, il a fait l'islam. Et là, tu peux avoir une fierté d'être musulman. Salafi. Tu dis, moi je suis un musulman. Là tu peux être fier. Non. Ama, tu te vantes de, je sais pas moi, de ta famille, tu te vantes de ta cité, tu te vantes de ta rue, de ton quartier, de ton pays, de tes origines. Franchement. Voilà quoi, Adama Yenfa, ça n'existe pas sans l'islam, ça c'est de la jahiliya. Naam. Inna karamakum indallah, atqakum. C'est pas tel pays. Tayyib, nakhouz tadrib et thani. Yakoul unzul il el khalid. Ouais, celui-là, j'ai pas envie de le faire celui-là, je te cache pas. C'est en fait, il veut qu'on regarde la carte, mais comme elle est petite en plus. On lit mal. Voilà, ouais, on j'ai pas. Laisse tomber, monsieur, on va pas le faire. Ça m'arrange. Si parce que moi, en fait, tu veux que tu décrives les pays, tu dis où est-ce qu'ils sont situés dans la carte. Ouais, mais elle est comment ta carte à toi? Moi, elle est comme ça. Non, elle est pas claire, moi aussi. Tu vois mal. Toi aussi? Ouais, tu vois mal. Je pense que je vois peut-être mieux que toi. Ouais, je pense que tu vois mieux quoi. Non? Je suis même pas dans le même sens que toi. Laisse tomber, vas-y, celui-là, on saute. De géographie là. Oh. Allez, on prend ça, Alif. Yakoul istamil kullama fi rab beina jumlatein fi mayali kama fi namouzaj. Donc, emploie le mot kullama, ça veut dire à chaque fois, en quelque sorte. En fait, c'est kull. Quand tu dis kullama, c'est à chaque fois. Tu vois, kull, le mot kull qui veut dire jamir, tout. Moudof il est ma el kaffa. Attaché au ma. Comme quand on se dit indama, hinama ou innama, c'est le même ma. D'accord? Kullama, ça veut dire en fait à chaque fois. Et tabarin, quand tu utilises le mot kullama à chaque fois, dans la phrase, tu auras un short et un jawab. La phrase sera en deux parties. C'est quand tu dis à chaque fois, par exemple, que je fais telle chose, ça c'est une partie de la phrase. Il y a une suite. Il m'arrive telle chose. Ça, c'est le jawab. La phrase est en deux parties. Comme quand tu dis « il va » pour dire « si ». Si tu fais ça, après, tu as une deuxième partie. Tu auras ça. Ça s'appelle le jawab. Ah, t'as bon. Ou « l'eau ». Si c'était pas ça, alors « kaza wa kaza wa kaza ». Bah, « kullama » pareil. C'est une phrase. Elle est en deux parties. Ou quand tu dis « hinama » pour dire « quand » ou « lorsque tu fais quelque chose », après, quand tu fais ça, après, il faut une autre partie de la phrase. C'est pas le jawab. Hein? Donc là, tu vois, la phrase, elle est en deux parties. Comme tu vois dans l'exemple. Ouais. Ah. Première partie, c'est short avec le kullama. Et après, c'est la réponse. Short au jawab. Naam. Yakul finam mouzaj, masalan. Première phrase, c'est. Huboub errière sharkan. Première partie. Deuxième partie, c'est Hosnu al-Jaw. Donc là, déjà, c'est à toi de distinguer le masdar et de le remettre en verbe. Là, Hubu, c'est le masdar de Habbaya Hubu, qui veut dire souffler. Donc, c'est venir comment? Kullama Habbat Riyah Sharkan, Tahassana al-Jaw. À chaque fois que les vents soufflent à l'ouest, à l'est, le climat s'améliore. Ça adoucit. Et d'où tu as pris ta hassana, tu l'as pris d'en haut, Husn. Donc ça doit déduire le verbe par rapport au masdar. Parce qu'il faut que tu sois attentif. Lui donne des phrases. D'accord? Tu donnes des phrases avec le masdar. Toi le masdar, tu ghayyiru ila al-fi'l. Mathalan, jumla al-oula kul ziyarat al-amtar. Ça c'est chart, première partie. Deuxième partie, ziyarat al-khisab. Tayyib, al-khisab. Kif taqul? Kullama tazidu al-amtar, tazidu al-khisab. Naam. La question que tu peux mettre, c'est كلما ازدادت الأمطار ازداد الغصب. أظن هو أحسن. C'est comme en haut, il t'a dit Hosn, il t'a pas dit Hassan, il t'a dit Tahassan. Ben nous, c'est pareil, la Ziyada, ça va Izdad, plutôt que Zada. C'est la même origine, c'est un sens mutakarib, mais c'est plus précis de dire Zdad. C'est amplifié en fait. Zdad Nam. Kafratu al-murtafa'at suqut al-amtar. كيف تقول كلما تكثر المرتفعات تسقط الأمطار. En fait, quand tu dis كلما أحسن تتيبي في الماضي. Donc tu vas dire كلما كثرت المرتفعات. أيوة. سقطت. سقطت الأمطار. الأمطار. Là, c'est un film mardi, mais le sens, c'est quoi? C'est Moudaria. C'est comme quand tu dis Iza zahabta hunak, zahabtu ma'ak. Si tu vas là-bas, j'y vais avec toi. Le verbe que tu as employé, tu le mets au mardi. C'est pendant le sens. Même le sens, il peut être moustakbel. Le sens, il peut être moustakbel. Ihtilal al-bildan. Non, c'est bulden. Je connais ton nom, bulden. Ziyarat al-ladi'in. Aïe, ah. Hillat. Kullama. Kullama hillat al-bildan. احتلت زادت زادت اللاجئين لا اوه attention là maintenant اللاجئين va devenir فاعل du verbe donc tu vas dire quoi ah ouais زادت اللاجئون نعم اللاجئون زاد اللاجئون وازداد اللاجئون نعم طيب maintenant يقول التدريب الرابع املاء الفراغ بما يلي من الكلمات maintenant faut combler les trous avec les mots qui correspondent الإسراء voyage nocturne المنخفضات les bassins مليون مليون يعتمد se baser sur السميع من اسماء الله والبصير كذلك يعني l'audion et le clairvoyant enfin celui qui voit tout فتح conquérir الأحداث les événements شتات disperser El Ma'adin, les métaux, Bouldan, les pays. Taïb, c'est encore le jumla. Code fa'alt ? Vas-y alors. Lis ce que tu as écrit. Inna Allah wa Samir, alladhi yisma' khafi, al-aswad, wa huwa al-basir, alladhi yara, kullama yaqa' fi mulkihi, fala yakhfa' alayhi shay'un. Non, que Allah, certes, il est le Samir, le parfait audient, qui entend tout, celui qui entend les voix les plus secrètes, on va dire, pour ce qui est dissimulé des voix, des sons. Et il est le clairvoyant, celui qui voit tout, tout ce qui tombe dans son royaume, et rien ne lui échappe. Non. Thaniyan. Donc les mots là, c'était, comme tu as choisi, c'est Basir. Ou plutôt à Samir ou à Basir. Non, Ahsant. Thaniyan. Fataha al-Muslimoun Mekka fi shahr al-Ramadan. Non, Fataha. Que les Muslimoun ont conquis Mekka au mois de Ramadan. Thalithan. Bayyanat al-Ahdath. An al-Yahoud. Tajamma'u min al-Niha al-Alam. An-Niha. An-Niha. Non. Al-Alam. Non, Ahsant. Que les événements. Donc, clarifié, ont démontré que les Yahouds sont réunis des directions, des coins du monde, on va dire. Anha là-bas, c'est direction du mot Nahou. Et là, on dit en français des coins du monde. Pour aller envahir la Palestine, qui n'est pas leur terre. Et eux ne sont pas des indigènes, justement. Eux sont les envahisseurs. تكثر أو رابعا تفضل تكثر مليون في المملكة العربية السعودية ليش بس هالسؤال لا c'est pas million il va ailleurs الذي يظهر أنه المعادن. Que les métaux. Le nombre de métaux augmente dans le royaume arabe de Saoudia. Là, c'est Ma'adin. Allah alam, c'est ce qui apparaît. Même quand tu dis le sens, il est correct. Et quand tu choisis par élimination, c'est ça. Les autres mots, ils vont avec les autres phrases à la base. Khamisan. يشتد البرد شتاءً في كثرة في كثير من بلدان العالم. نعم. نعم. C'est ça. Que le froid s'amplifie en hiver dans beaucoup de pays du monde. Là, c'est بلدان. نعم. سادساً. يعتمد الفلاح الفلاح على نفسه. وإسراجه في عمل بالمزرعة في العمل بالمزرعة que le donc là c'est ça comme tu as dit non, c'est Yartamido que l'agriculteur le paysan dira se base sur lui-même et sur sa famille dans le travail dans les champs dans le champ Bad Tawakkul à Allah, taban. Il veut dire qu'en fait, c'est son travail lui-même. C'est pas il a des employés ou quoi. Il fait les choses lui-même. C'est ça qu'il veut dire. Sabian. Après là, j'ai un plan. Ah bah non, justement. Yazid al-Adad al-Ladjiyoun al-Arabi. Ladjiyoun, aïe. Et ça, c'est million là. Non. Là, c'est million. Là. Que le nombre de réfugiés arabes dépasse le million. Thaminan. Tashuru ziraiya. Ziraa. Aywa, ziraa. Fi al-munkhafadat. Naam. Que l'agriculture est simplifiée plus facile, tout ça dans les bassins. تاسعاً كان إسراؤه برسول الله كان هو إسراء الإسراء بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس. Non, que c'est l'Isra, que le voyage nocturne du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était vers Beit al-Maqdis, Palestine. Wabal al-Khamis yakul akmil al-Jumel al-Taliya bima ibn al-Kufayn. Voilà, franchement, qara'tu hada, j'ai pas vu la faïda. Moi, j'ai pas compris. Bah, en fait, tu n'as rien à comprendre, il faut écrire tout ça là, et faire une phrase, et tout est déjà classé. Donc, ouais, j'ai pas compris la feuille. Là. Parce que moi, j'ai pas fait parce que j'ai pas compris l'exercice. L'exercice te dit en fait, la phrase là, tu as le alif, yaqul, yaskunu ismailu fi medina. Toi, tu rajoutes tous les mots là qui sont en dessous là, à la suite, les uns à la suite des autres, pour faire une phrase entière. Donc, j'ai pas compris, il est où la réflexion. Par exemple, il te dit, regarde, t'as le mot, sahiliya, côtière. Sorira, petite, al al-muhit, l'océan. Al-muhit, l'océan. Tatoul. Elle est hindi, souvent c'est l'océan indien. Yastayadu ahluwa al-samak, dont les gens pêchent le poisson. Wa yazla'oun al-fakiha, et ils cultivent le fruit. Ou al-khadrawat, et les légumes. Donc en fait, la phrase, elle est déjà toute faite. Juste toi, tu prends ça, et tu les mots, tu les mets à celui d'autre. Ça fait quoi? Yaskunu Ismailu fi Medina, sahiliya. صغيرة على المحيط تطول الهندي يصطاد أهلها السمك ويزرعون الفاكهة والحضروات بس j'ai pas eu la faïda. En fait tout est dit dans l'ordre que Ismaïl vit dans une ville côtière petite le long de l'océan Indien dont les gens pêchent le poisson et cultivent les fruits et les légumes. Ah ben tout ce qu'il voulait, en tout cas c'est ce qui m'a apparu. Si c'est un autre marana, Alors, j'ai pas compris. Donc là, la phrase B, tu fais pareil. Yaqul Azira'atun Minhatun. Après, tu rajoutes tout ce qui est écrit derrière moi. Minha, c'est une profession, on va dire. Minha, c'est un travail. Minha, profession. Mihna. Non. Parce que moi, Mihna, je. Zira'atu, Azira'atu, Mihna. Hammatun, inna linna. Attends, celui-là. En fait, la inna, il faudrait le mettre avant zira'a. Ah, inna que... zira'ata. Tu le mets en premier, celui-là. Inna zira'ata mihnata. Mihnatun. Inna zira'ata mihnatun. Zira'a, c'est le isme inna. Ou mihna, c'est le khabar inna. Donc, il est marfoua. D'accord. Hammiyatun linnas. Hammatun. Hammatun linnas. Hammatun linnas jam'ihim. Jam'ihim. Nulahid. Nulahid. Je ne sais pas. Lidhalika tahtammu ad-duwal. Tahtammu. Tahtammu ad-duwal. Biwazirat az-zira'a. Bilkulliya lil-jami. الجمعية الجامعية الجامعية والمعاهد ليكثر الزراعية الزراعيون نعم وقت لو إنا تتيب على عفت نلاحظ أن لذلك تهتم عفت لو إنا يبين أبقى نلاحظ en vrai c'est là qui convient. Donc ça veut dire quoi la phrase? L'agriculture est une profession primordiale, importante, pour tous les gens. L'innas jami'ihim. Wa nulahiz, ça vient de lahaza, c'est remarqué, et nous constatons que c'est pour cela que l'État s'y consacre beaucoup. Ihtamma, c'est donner l'importance à une chose. En fait. Mais en français, on va dire s'y consacre, yani, se concentre dessus. Les adika, tahtammu ad-dawla, ou ad-dawl, on va dire les états, c'est le djem de dawla. Hein? Avec des ministres de l'agriculture, ou des ministères de l'agriculture. Et des facultés universitaires, et des écoles, afin d'augmenter le nombre d'agriculteurs. Alors, le ma'ana. طيب يقول جيم احتل اليهود فلسطين on complète avec la suite que les yahoud ont occupé la Palestine, l'ont envahi, l'ont volé. Il n'a pas dit saraka, mais nous on va le dire. الأصليين الأصليين عن بلادهم ومزارع مزارعهم ومزارعهم وقتلوا وقتلوا وقتلوا رجال والأطفال والنساء نعم بس خلينا نقول خلينا نتعلم خاصة ce livre là il sera interdit en France. Donc il dit que les juifs ont occupé la Palestine. وَشَرَّدُوا سُكَّانَهَا الْأَصْلِيِّينَ عَنْ بَلَدِهِمْ qu'ils ont expulsé ou chassé ses habitants d'origine de leur pays وَمَزَالِعِمْ de leur champ وَقَتَلُوا الْرِجَالِ ils ont tué les femmes وَالْأَطْفَالِ et les enfants وَالْنِسَا et les femmes وَدَوَ الْحَقْ ça c'est la vérité. Et on n'en dit rien. Tu vois. On n'en dit rien. Ils font ce qu'ils veulent. Bien que. Mana Nardo, Biltavjirat. Bien que nous, on n'agrée pas non plus les attentats suicides que certains font. Tu vois, cette façon de faire, elle n'est pas chalaïa. Donc quand c'est la Palestine, quand c'est des Arabes musulmans, enfin musulmans, la personne qui se font tuer, c'est pas grave. Tu vois. C'est pas grave. Et quand c'est d'autres dessinateurs, c'est un massacre. On appelle le GIGN, on appelle tout le monde, on appelle tout le monde. Si tu m'as compris. Quand c'est 5, 6, 7 qui sont tués, oh, c'est la polémique, c'est le choc, la tristesse, c'est le jour noir. Tu vois. C'est la manifestation, c'est on se mobilise, c'est les pancartes. Même sur l'Arc de Triomphe. Wallah, il y a écrit Paris et Charlie. T'imagines un peu? Sur l'Arc de Triomphe, ils ont écrit Paris et Charlie. Un gros écrit au lumineux. Paris et Charlie. Charlie Hebdo. Genre, on est avec vous, quoi. Mais quand c'est la Palestine, ouais, on va dans la rue, on manifeste, ouais, si on met des pancartes, des banderoles, vite fait, tu vois, après on rentre chez nous, on fait notre vie. Tu vois, mais adore. Ah, mais quand c'est certains qui se font tuer, bien qu'on reconnaît aussi que c'est un crime, tu vois, celui qui fait ça. Mais à cela, mais regarde un peu la différence. Quand c'est eux, mon frère, c'est, oh là là, laisse tomber. C'est scandale. Quand c'est les autres, surtout quand c'est les musulmans. Voilà. C'est pas dramatique. Après, on revendique les droits de l'homme. Liberté, égalité, fraternité. Tayyib, tadrib al-sadis. يقول اسأل عن كل موضوع من الموضوعات الآتية سؤالين. Que tu poses deux questions à propos des sujets. Tu l'as fait ça? طيب. أولا الأمطار في فلسطين. Les pluies en Palestine. Pose deux questions. متى تنزل الأمطار في فلسطين؟ نعم. وما نتيجة الأمطار في فلسطين؟ طيب. Quand est-ce que les pluies tombent en Palestine et quels sont les résultats? C'est plus. Soukhen Philistine, les habitants de la Palestine. Mada yamru soukhen Philistine? Non. Wakam adadu soukhen Philistine? Non. Que font, quel est le travail des habitants de Palestine? Et quel est leur nombre? Azira'a fi Philistine. Mada tuzra'a fi Philistine? Wa fi Philistine, suhur zira'a. Non. Donc, qu'est-ce qu'on cultive en Palestine? Et que l'agriculture est facile en Palestine. Il y en a, comme on dit Allah, l'ati barakna hawla. C'est une terre sur laquelle il a mis la baraka. Mais attends, c'est des souhaits ça? Non. Mada? Ah ouais, écoute. Et la cause dans le Coran, elle est citée. L'ati barakna hawla, ni nuriyahu, ni min ayatina. C'est une terre qu'Allah, il a mis la baraka dedans. Le Coran, il le dit. Mais le Shem, c'est Malouf. C'est une terre aussi. Il y a des hadiths qui sont venus sur le mérite du Shem. Les hadiths qui sont venus, c'est Medina, Mecca, Al Yémen, ou le Shem. Si je me rappelle bien. Mais tu regardes bien, c'est parmi les. Actuellement, peut-être pas la Saoudie, car ils ont. Tu vois bah, le Shem. La Syrie, elle est où? Le Shem. Donc, tu vois que c'est une terre qui est. Et la Palestine, elle est où? Au Shem. Et tu vois, c'est des terres qui sont très, très, très visées par les ennemis d'Allah. Regarde. Et le Yémen. Très, très, très visé par les ennemis d'Allah. Tu vois? Regarde. Je dis, ils suivent, t'inquiète pas. Deux jours, je parlais avec quelqu'un, il me dit, mais non, mais quand même, le Koufa, ils sont pas stratégiques à ce moment-là. Je dis, bah, tu les sous-estimes, tes ennemis, je crois. Vraiment, bien qu'ils lisent le Coran, ils lisent les hadiths, ils lisent tout, et ils savent très bien où est-ce qu'il faut taper, quand il faut taper. Tu vois. Ils savent très bien c'est quoi les pays qui sont, voilà. Sauf que la Saoudie, ben, vas-y, tape, après tu feras du vélo. Ça fait de pétrole. Tu vas te déplacer à pied, tu vois. Le problème, c'est que les Saoudis, les tiennent, ils ont une puissance, ils ont un intérêt. Et tu regardes bien, comme quelqu'un m'a dit, ils parlent jamais sur la Saoudie. Ça, c'est remarqué. Si, ouais, par intérêt. Ils parlent jamais sur la Saoudie. Tu vois, ça remarqué, jamais ils critiquent la Saoudie. Et pourtant, en Saoudie, il y a peine de mort, on lapide, tout ça, on exécute, on fouette. Pchit, bam, on sort la Saoudie. Adjib. Ah bah tu fais ça ailleurs ? Oh laisse tomber. Ah c'est comme les pubs Palestine là, c'est, ça tombe sur. Ah bah le Yémen ça y va. Tu m'as demandé qu'une femme serait lapido au Yémen, mais je te dis raconte même pas mon frère. Une femme lapido au Yémen, juste parce qu'elle a voulu goûter le plaisir avec son petit copain, sa casa et cada. Ça y va. Ouais j'avais entendu ça. Ah il veut te le faire direct. تمام يقول استعمل ما يلي في جمل مفيدة اللي كلام هنا احتلت طيب يقول استعمل ما يلي في جمل مفيدة utilise les mots suivants dans des phrases sensées. Tu l'as fait ? Hein ? Tfadl ? Ahabba ? Ahabba al-rih min al-sharq. Naam. Ya'tamidu ala ? Ya'tamidu al-falah ala nafsihi wa usratihi fi amal al-zira'iyah. Wazid ba'da al-ihtimain ala Allah. Ouais, ça aussi c'est... Dans un exercice, j'ai été... Ah ouais. Toi, comment, tu comment tu le mets, toi? El yanabi'a. C'est le troisième. Quatrième. Ouais, non. Tartamid al-Filastin, ala yanabi'a al-Mukhtalifa. يعني ال يعني كل زراعة فلسطين تعتمد تعتمد ال وتعتمد على الينابيع على المياه الينابيع سلام que les champs agricoles de la Palestine sont basés sur les sources ou طيب les eaux des sources المعادن استخرج العمال المعادن من جوف الأرض. نعم. البصير. هو السميع والبصير. فتح. النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان. شرد. أو شرد. بعد الاحتلال شرد السكان الساكن إلى بلدان مختلفة. من شرده؟ من الفاعل؟ الساكن. ما معنى شرده؟ إبربيه. تروب إبربيه. شاسي أو سيكسبلسي. Donc en fait, c'est Sharrad al-Yahoud, Soukhan al-Falastin al-Asliyin, An-Buldani. Comment tu as fait le mas ? Car le fait de chasser expulsé inclut le fait de les éparpiller. Ils se divisent, tu vois, ils sont dispersés. Sotah, et non pas Stah. Ouais, j'ai pas trouvé. Stah à la base, Sotah, c'est un toit. Ouais. Mais là, en fait, dans le texte, ils voulaient dire le sol de la Palestine. Et tu vas entendre chez les la légère, on dit Stah. Et en fait, c'est Sotah. D'ailleurs, Jazira. Safartu il Shibu Jazira al-Jamila. Al-Jamila. La. Répète. Safartu. Safartu. Et Ahmed. سافرتو إلى شبه الجزيرة الجميلة. وقت ما اللي فلم اللي نكرة. طنعت ده نكرة أوسي قبل ما نعود. سافرتو إلى شبه جزيرة جميلة. نعم بس نعم. جولي اللي جولي دي عليك دو بودي. آه الجمال الله تبادي. الجمال. إلى شبه جزيرة الجمال. بالمد. Hein? Jamal. Jamal. Jamal. Nam. شتات يأمل فلسطينيون أن يجمع الله شتاتهم في وطنهم المختصر. الأحداث بين الأحداث التاريخ أن اليهود تجمعوا من أنحاء العالم. الأحداث التاريخية من أنحاء العالم. بلدان نحو نينوحة نحو أيوه أو نحو نحو هيك واو الجزيرة العربية تجمع بلدان مختلفة. طيب نأخذ مباشرة الحاجة عشر لذات طول الناس كيف ذا فيضل؟ العشر والحاجي عشر تلافة فالحاجي عشر دي موالس ونكوريجها تلافة ديجا ونكوريجها إن شاء الله في الدرس الآتي التاسع تلافة تلافة نحن نقرأ ونقرأ الذي كتبت. يقول أكمل الموضوع التالي بملء الفراغ بجمل مناسبة. Donc de compléter les lignes vides par des phrases qui correspondent. يقول استعمر بريطانيون فلسطين. Que les Anglais ont colonisé la Palestine. استعمر c'est colonisé. Et il finit à fouet par la zala sha'b al-Falastin muzawwa'an bayna al-bilad al-mukhtalifa, que le peuple de Palestine n'a cessé d'être dispersé dans des pays différents. Walakinahu sayaoud ila ardihi qariban inshallah, c'est pour lui rentrera à sa terre bientôt inshallah. Toi tu avais trois phases à trouver, la 2, la 3 et la 4. Tafaddal. Après j'écris wa hajara al-yahoud ilayha. نعم واحتلوا أرضها نعم ونشروا أفكارهم فيها ونشروا إيش أفكارهم ونرجو ذلك من الفلسطينيين يرجعون إلى بلدانهم بل أظن هذا نرجو من المسلمين أن يرجعوا إلى دينهم. هذا عام. وإذا رجع المسلمون لدينهم هذا يلزم ورجوع الفلسطينيين لبلدهم. Si jamais les muslims de façon générale reviennent à leur religion comme il faut, les gens de la Palestine rentrent dans leur pays. فهمت؟ لأن الأصل القضية c'est ça. Le base du problème c'est ça. Le جهل عدم تطبيق الشرع. La non-application de la religion, c'est ça le problème de la Oumma. Actuellement, l'ignorance et le manque d'application. Et si on appliquait, Allah donnerait la force aux musulmans. Et les juifs, ils seraient sortis comme ça, là, de la Palestine. Ou alors, ils resteraient, mais pareil, la jizya. Ils paieraient la jizya. Wa musagirun. La tête pour le jizyateur, il n'y a dit wa musagirun. Et qu'ils soient avilis, rabaissés. C'est ça. C'est ça qu'on veut à la base. Tu veux rester, tu restes, tu payes. Et après, tu es protégé, personne ne te touche. Personne ne te touche, biznillah. Tu vois, tu es sous protection du gouverneur. Mais tu payes la jizya. Il y a un homme qui t'habillonne. Amal Mushrik, lui, c'est où il n'y a pas de jizya pour le Mushrik. Taïeb, enfin, on fera le Hayya Achar. Rada, Inch'Allah. Quand on commence le texte, il est court. Donc, on fera Hadi Achar et on va tourner un nouveau texte avec le vocabulaire. تمام والحمد لله رب العالمين مع تحيه دمام افاف.com